Exercice 8, page 108. A. Est-ce qu'elle les tient? Transformer. Est-ce qu'elle les tiennent? B. Quand est-ce qu'elle vient? Transformer. Quand est-ce qu'elles viennent? C. Qu'est-ce qu'elle peint bien? Transformer. Qu'est-ce qu'elle peigne bien? D. Est-ce qu'elle les prend? Transformer. Est-ce qu'elle les prenne? E. Elle le surprend. Transformer. Elle le surprenne. F. Elle comprend rien. Transformer. Elles comprennent rien.